Allô? Oui, bonjour. Ouais, moi, je suis ici en face de votre drapeau là. Qu'est-ce que vous voulez savoir de nous en général? Ok, d'accord, j'ai compris. Le problème, c'est que, d'accord, on est illégal tout ici parce qu'on n'est pas des criminels. On doit se fermer dans un centre qui. Les sécurités dedans, franchement parlé, sont pas bien parce que avant que tu entres ici, on t'a privé ton portable. Si ton portable a des caméras ou quelque chose comme ça, tu ne dois pas venir avec cette portable-là ici. Donc, tu sais que d'intérieur, il y a des choses qu'on ne veut pas montrer dehors. Et puis, le manger est catastrophe. Et puis, on est plus de. Il y a quatre blocs, mais chaque bloc, il y a plus de 50 personnes. Et puis, on n'a pas le droit de dormir dans quelle heure que nous voulons, parce qu'on a le droit de dormir à 9h30. Tu sais, on est obligé de dormir à 9h30. Le matin, tu es obligé de te manger à 9h30 si tu ne veux pas. L'après-midi, tu n'as pas le droit de manger à 2h, 3h. Tu as le droit de manger seulement à 1h. Et puis, la dîner seulement aussi, pareil. Tu as le droit de te manger à 6h30 du soir. Donc, tout le reste de la nuit, si tu as faim, c'est ton problème. En tout cas, ici, c'est la merde, ce que vous voulez savoir. Ouais, le moment de pause, c'est à 2h30 à 3h30, après le manger, quoi. Non, non, le matin, non, toujours on est dedans. Et puis, le problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont ici qui n'ont rien fait. Comme il y a des personnes qui ont fait 6 ans, 10 ans, 11 ans avec la demande de la régularisation. Mais tout le monde, on les a dit négatifs, tu sais. Donc, moi, ce que je vois, parce que Belgique, pour l'instant, n'a plus d'entrée des immigrés, ils ne veulent plus des immigrés. Les personnes qui ont quitté leur pays depuis 6 ans, 10 ans, 8 ans, ça, c'est pas logique, c'est dingue, mon frère. C'est dingue. En prison ici, en prison, c'est pas. Non, ce que je voulais dire, chaque semaine, il y a des dizaines qui partent, il y a des dizaines qui viennent. Ici, le problème, c'est comme il y a des gens qui gagnent leur vie dans le centre ici, ils ne veulent jamais que le centre soit vide. Chaque semaine, il y a des dizaines de personnes qui partent et il y a des dizaines de personnes qui viennent. Le problème, c'est que ça a son histoire, mais la majorité ici sont des personnes qui ont fait la demande de la régularisation et ils ont été dit négatifs par des causes inexplicables, quoi. Parce qu'une personne qui a fait 8 ans, 10 ans dans un pays, elle a le droit d'avoir ses papiers. Donc, Belgique, comment tu peux faire 6 ans, 8 ans, 10 ans, on refuse de te donner tes papiers, ça c'est dingue. Attends, je vous donne un de mes frères qui voulait parler avec toi, s'il te plaît. Il y a une personne devant moi ici. Elle est mariée ici. Elle a 3 enfants, tu vois. Ils ont envoyé lui 2 fois à l'aéroport. Ils ont frappé lui. Et un autre, ils ont donné un pécule pour lui, tu vois. Et il y a une autre personne, il est marié, presque 10 ans ici. Ils ont frappé lui, ils vont faire l'agressivité avec lui pour voyager avec l'agressivité. L'autre fois, il a béni les yeux verts, tu vois. Ils ont mis le menotte avec lui et un peu de scotch. Lui, il a un peu bougé, il n'aime pas partir avec eux. Alors, ils ont frappé lui, tu vois. Et ils ont mis lui en bas, il a crasé la tête avec le pied, tu vois. Et il a fait beaucoup de bêtises avec lui. Et même une autre personne, à côté de moi dans le cachot, ils criaient, après ils ont rentré 10 chefs d'ici, ils ont fait un piqûre pour lui, et il a parti comme un robot, tu vois. Maintenant, il ne peut pas marcher, il ne peut pas faire rien, tu vois. Oui, je sais, mais il y a des êtres aussi, il y a un homme, il y a un homme, qu'est-ce qu'il s'appelle, Obama? Un homme, il s'appelle Obama, et là, il y a 2 filles ici, tu vois. Un 9 ans et un 6 ans. Il est marié plus de 10 ans maintenant. Il veut envoyer lui à l'Afrique, tu vois. Maintenant, il est à l'aéroport, tu vois. Il a 12 enfants ici et il est à l'aéroport. Comment ça? Ça, c'est pas quelque chose de bon, tu vois. L'histoire de personnes de Kikini qu'on était en train d'expliquer là, c'est très important. Parce que le problème, la police l'a bien, bien frappé. Quand elle est revenue ici dans la chambre, dans un certain moment, elle ne peut plus marcher quand même. Non, c'est vrai, parce que dedans ici, ma soeur, on ne peut pas vous expliquer tout ce qui se passe ici. Parce que le premier des choses que je vous ai dit avant que tu entres, si tu as un portable, qui a une caméra, on ne te laisse pas entrer avec cette portable-là. Parce que dedans, c'est dingue, il y a des choses qui passent. qu'on ne veut pas que les gens qui ont dehors le savent. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous voulez savoir encore? Non, j'ai dit pour l'instant c'est l'heure de manger. Je pars pour manger. Mais arrivé à la cuisine, si tu te rappelles. D'accord, c'est bon, merci. On est très content de vous et on a besoin de vous, quoi. Merci.